Avez-vous goûté le thé des Anglais? Thé au lait, thé au citron, thé de Chine ou du Japon. Tous les thés sont bons. Avez-vous goûté le thé des Chinois? Thé au lait, thé au citron, thé de Chine ou du Japon. Tous les thés sont bons. Avez-vous goûté le thé japonais? Thé au lait, thé au citron, thé de Chine ou du Japon. Tous les thés sont bons. Tous les thés sont bons. Tous les thés sont bons.